La femme, dit Hulot, est un être inexplicable. Je l'explique, dit Crevel. Nous sommes vieux, le Brésilien est jeune et beau. Oui, c'est vrai, dit Hulot. Je l'avoue, nous vieillissons. Mais mon ami, comment renoncer à voir ces belles créatures se déshabillant, roulant leurs cheveux, nous regardant avec un fin sourire à travers leurs doigts quand elles mettent leurs papillotes, faisant toutes leurs mines, débitant leurs mensonges, et se disant peu aimées quand elles nous voient harassées par les affaires, et nous distrayant malgré tout. Oui, ma foi, c'est la seule chose agréable de la vie, s'écria Crevel. Ah, quand un minois vous sourit et qu'on vous dit « Mon bon chéri, sais-tu combien tu es aimable ? Moi, je suis sans doute autrement faite que les autres femmes qui se passionnent pour de petits jeunes gens à barbe de bouc, des drôles qui fument et grossiers comme des laquais, car leur jeunesse leur donne une insolence. Enfin, ils viennent, ils vous disent bonjour et s'en vont. Moi, que tu soupçonnes de coquetterie, je préfère à ces moutards les gens de 50 ans. On garde ça longtemps. C'est dévoué, ça sait qu'une femme se retrouve difficilement, et ils nous apprécient. Voilà pourquoi je t'aime, grand scélérat. » Et elles accompagnent ces espèces d'aveux, de minauderie, de gentillesse, de... Ah, c'est faux comme des programmes d'hôtel de ville.